Radiomatique. Amorcer la transmission 420 d'Audiomatique. Les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du duo américain Fantogramme. Nous entendions la chanson Make a Fist Alternate Version, qui est tirée de la réédition spéciale de leur premier album, Eyelid Movies, qui porte le titre de Eyelid Movies Expanded Edition, qui comprend, en plus des pièces originales de l'album Eyelid Movies, des pièces inédites, des versions instrumentales, des B-sides et des versions remixées. Mentionnons que le premier album de Fantogram, Eyelid Movies, est paru en 2009 et que l'album Eyelid Movies Expanded Edition est sorti le 11 novembre 2022. Et c'est sans attendre que la musique se fait entendre de nouveau à Audiomatic. We'll be right back. here among the cattails, all we discuss is breaking free. So Real. C'est sur la musique du groupe Swans que se concluait cette séquence de deux pièces. De l'album Children of God, paru en 1987, nous écoutions la pièce Real Love. Et avant Swans, c'était la formation Cowboy Junkies, de qui nous entendions la pièce Dragging Hooks, tirée de l'album Open, publié en 2001. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec l'artiste québécois Nicolas Bougaïef. But I think it's better when it's missing ambient. Sleep and grimace, I don't think I'm finished. Blissful wishing up in every minute. Il s'agissait à Audiomatic du compositeur français Jan Tiersen et la pièce Ker Al Loch Metamorphosis qui a été ici remixée par Simon Sky. Cette version est tirée du mini-album Kerber Remixes qui comprend, comme son titre l'indique, des versions remixées de pièces apparaissant sur l'album Kerber de Jan Tiersen. Tout juste avant, nous avions droit à l'artiste Zambo canadienne basée à Montréal, Ashanti Mutinta, qui performe musicalement sous le pseudonyme Backwash. De son mini-album Stigmata, paru en 2020, nous écoutions la chanson Demons, à laquelle participent Ada Rook et Devi McCallion. Et l'artiste québécois basé en Allemagne, Nicolas Bougaïef, débutait cette séquence musicale avec la pièce « We Rejoice », extraite de son plus récent album « Begin Within », rendu disponible au public le 11 novembre 2022. C'est vers un retour dans les années 90 que se poursuit Audiomatic avec « The Church ». Thank you. It was clear to see. Audiomatique, c'était The Cure, la pièce Cut, qui se retrouve sur l'album Wish, paru en 1992. Et avant cela, c'était la formation The Church et sa composition Love Blind, tirée de l'album Sometime Anywhere, qui lui est sorti en 1994. En conclusion de cette transmission 420 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous offrir la musique du groupe américain Special Interest, tirée de son troisième album Endure, paru le 4 novembre 2022. Nous entendrons la chanson LA Blues. Audiomatique poursuivra ses diffusions hebdomadaires mercredi prochain dès 17h avec la transmission 421. D'ici là, amusez-vous à découvrir les choix musicaux des sonoristes au cours des 8 dernières années en parcourant les archives d'Audiomatique, dont une des portes d'entrée est accessible sur notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. Voici Special Interest et la chanson LA Blues. C'était Audiomatique avec les sonoristes.